nyele mambu ya ya kiwai. Ya ya kakara koko kuwazengele mambu ya ya kitiona. Tout le monde croyait que l'Afrique était à genoux. La grande nation du Congo a traversé les mers. Décimée, dispersée et vendue sur les grands bateaux. Mais les siècles ont passé, l'Afrique est encore debout. Nguyaya, kakala koko Kouazengele mambu ya ya kiwai. Je me souviens de Bouta, Ndiandangunga, Mandoumé, de ce qu'ils ont payé pour nous, le frais du pays d'Angola. Zengele mambu ya ya kiwai. De voyage en voyage, on m'a vu chanter ou pleurer. Sur les trois continents, dans les villes et dans les ports. J'ai cherché ma patrie, un endroit pour me reposer. Mais mon âme et mon sang n'aiment pas quand je m'endors. Malheur à moi, l'exclu. On s'est joué de moi en mon absence. Malheur à moi, l'exclu. On m'a dérobé mon enfance. Zengelo mambu ya ya kiwai. Hey ya ya kakara koko kuwa zengelo mambu ya ya kintiona.